the radio. It makes a life a little less lonely. On va laisser place derrière à minuscule A. Et surtout, vu que c'est l'occasion de la sortie de l'album d'Équipe Bombardos, vous pouvez en acheter à l'entrée. Voilà. C'est une bonne soirée. C'est commercial. Non. Totalement. Thank you. Merci, bonsoir. Minusculé, juste après.